42e chapitre. Les châteaux de plaisance du chat. La villégiature de Chimran. Téhéran ne possède ni promenade ni jardin public. En dehors de ses 12 portes, tout est aride. Il n'y a ni arbres ni verdure. On ne voit partout que l'espace et la solitude. Le chat, comme on l'a vu, reste peu dans sa capitale et va de l'une à l'autre de ses résidences. Quelques-unes sont échelonnées entre Téhéran et Chimran. Une des routes les plus fréquentées est assez près de la ville pour lui permettre de rentrer avant le coucher du soleil. Parmi ces villégiatures se trouve Qasr Qajar, palais patrimonial des Qajar, élevé par le fondateur de la dynastie, et le château Eshret Abad, qu'a récemment fait construire Nasser Eddin, situé à peu de distance l'un de l'autre, au nord et à 6 km de la métropole. Eshret Abad veut dire « le lieu du plaisir ». La première est une vaste construction seigneuriale, laissée comme héritage et souvenir d'une race. L'autre est une élégante bâtisse de fantaisie. L'aspect de ces résidences convient à leur dénomination. Qasr Qajar, bâti en amphithéâtre sur une élévation, domine les autres palais élevés après lui. Il est précédé d'un vaste jardin qui a près de 600 mètres de long sur 400 mètres de large, coupé par de grandes allées parallèles. Une profusion de rosiers, de jasmins, de différents arbustes ainsi que des pêchers très renommés en Perse et autres arbres fruitiers forment un ensemble ravissant. Note: le pêcher est originaire de la Perse. Fin de note. Des treilles de vignes, de gros raisins sans pépins clôturent cette plantation qui se termine par une terrasse. Plusieurs bassins et des jets d'eau donnent de la vie et entretiennent la fraîcheur dans cet enclos toujours en fleurs. Au milieu du jardin s'élève un gracieux kiosque soutenu par des colonnettes en marbre et surmonté d'une coupole à voussure superposée. L'intérieur du palais est richement orné et en pur style persan. D'immenses glaces et des peintures en forment les principaux décors. Malgré tous ces charmes, Qasr Qajar est abandonné et ne jouit pas des faveurs de Nasser Eddin, qui y va rarement, quoiqu'il ait été le premier pied-à-terre des princes de sa famille. Mais suivant l'usage, les souverains ne gardent aucun respect pour le palais de leur père. Le premier soin d'un fils est de le dépouiller de ce qu'il possède de précieux pour en orner celui qui l'a élevé lui-même. Le lieu de plaisir est souvent visité par Nasser Eddin. Sa construction est originale, c'est une tour élevée à plusieurs étages, renfermant chacun un appartement réservé aux chats. Excepté une salle, fort jolie, de genre persan, avec ornements en verre à facettes, l'ameublement à l'européenne des autres pièces est du plus détestable goût. Les Orientaux ont la manie d'orner sans discernement leurs habitations d'objets provenant de nos pays au lieu de rester fidèles au goût artistique de leur contrée. L'extérieur d'Eshret Abad est en briques vernies, mauvaise copie des dalles antiques qu'on voit sur la façade des anciens palais. Des stores en toile blanche à arabesques appliquées d'étoffe noire, rouge ou bleu garantissent tout l'édifice des rayons du soleil. Ces stores très élégants sont usités dans toutes les demeures royales. La tour est isolée au milieu d'un jardin orné de bassins, de fontaines et de jets d'eau. Sa base est entourée d'une trentaine de petites maisonnettes séparées à deux pièces qui forment un demi-cercle où sont logées les femmes du chat. L'architecture en est toute primitive. Les murs sont blanchis à la chaux. Les portes et encadrements des fenêtres, en bois blanc, sont à fermeture grossière. Ces maisonnettes rappellent un certain genre d'écurie qu'on voit dans quelques propriétés agricoles en Angleterre. Le lieu du plaisir, construit par le chat à son retour d'Europe, est destiné à la célébration de ses mariages, car, bien qu'ayant un grand nombre de femmes, Nasser ed-Din contracte encore de nouveaux liens. Ce ne sont pas exclusivement des princesses qui peuplent son Andéroun. Ses épouses sont souvent choisies parmi les jeunes paysannes des villages voisins qui deviennent mères de souverains. Note, le fils aîné de Nasser ed-Din, mort depuis quelques années et qui aurait dû lui succéder, était né d'une mère paysanne. Celui qu'il a choisi pour son successeur est au contraire issu d'une princesse. Fin de note. Comme le Shah possède aux environs de Téhéran un grand nombre de palais qu'il n'habite pas, mais où il va passer uniquement quelques jours avec ses femmes, celles-ci apportent à chaque voyage de quoi garnir leur demeure. L'ameublement consiste en si peu de choses que cette besogne est vite faite. Plus haut, dans la plaine, s'élève Saltana Abad, splendide séjour que le Shah habite au printemps avant que les chaleurs ne l'obligent à aller dans les montagnes. Il y est mieux installé que dans la plupart des autres villégiatures, mais les gens de sa suite, faute de logement, campent sous des tentes. Avant de s'y rendre, il reste ordinairement quelques semaines au palais de Nagaristan, situé à l'entrée de Téhéran, sur une vaste esplanade plantée d'arbres. Note, Nagaristan, bel endroit à voir. J'ai déjà fait mention de ce palais bâti sous le règne de Feth Ali Shah. Fin de note. L'air y est moins chaud qu'au centre de la ville. Nasser ed-Din Shah y fait une cure de lait ordinairement printanière. La plus belle résidence d'été est le château de Niavaran. C'est un bâtiment moderne sur le versant de la chaîne de l'Elbrouz, entouré d'un parc magnifique dominant la plaine de Shimran. Note, Shimran signifie campagne, mais cet endroit est aussi nommé Shim-Iran, flambeau de l'Iran, parce qu'il est visible comme une lumière qui étend ses rayons de tous côtés. Les anciens géographes placent sur le territoire de Shimran des villes datant de l'époque de Nabucodonosor et de Sémiramis et prétendent que Shimran provient d'un château nommé Shemirani, bâti par la reine Sémiramis. Géographie de Karl Ritter, 1838. Fin de note. Même pendant les plus fortes chaleurs, on trouve de la fraîcheur sous l'ombrage des arbres touffus de ces beaux jardins. Le Shah y réside une partie de la saison caniculaire. L'existence mouvementée qu'il mène exige un nombre personnel toujours prêt à le suivre dans ses courses. On dit que plusieurs gentilshommes de sa suite dorment en selle afin de pouvoir se mettre en route au premier appel. À Téhéran, la température est tellement intense en été que l'on peut faire cuire des œufs au soleil. À cette époque, l'air y est réputé très malsain et dès le mois de mai, les habitants se retirent en masse sur les hauteurs de Shimran, au nord de la capitale. Plusieurs villages et bourgades sont disséminés sur ce territoire. Ceux où s'élèvent les maisons de campagne, des légations étrangères, appartiennent à leurs gouvernements respectifs, le terrain leur ayant été offert par Sa Majesté Nasser ed-Din. Le premier village en venant de Téhéran est Goulahek, où se trouve la légation d'Angleterre. C'est là qu'on célèbre chaque année l'anniversaire de la reine Victoria. Le ministre, trop étroitement installé, préside le banquet officiel sous une tente. La plupart des Anglais cherchent à se loger près de la maison de leur représentant, située dans un bas-fond planté d'arbres et dont on ne distingue que le toit en briques rouges. Le village de la Russie est Sergandé. À quelques kilomètres de là, on arrive à Sendraziab, où la Turquie possède un fort joli palais construit il y a quelques années et d'où la vue est fort belle. Situé sur une élévation, on aperçoit de fort loin la coupole de ce charmant édifice entouré d'un parc qu'une route carrossable permet de parcourir en voiture. La légation de France, n'ayant pas de propriété à elle, loue chaque année une maison au village de Tetschenich. Le ministre d'Autriche se loge où il peut. Chimran, où la température est fraîche et l'air très sain, remplace pour les Européens habitant Téhéran ces ravissants environs de Paris si recherchés en été. Asnières, Saint-Germain, Argenteuil, Meudon. Mais à Chimran, le même confort n'existe pas. On s'installe dans des maisonnettes, véritables masures, dont les murs en terre ne sont pas même badigeonnés. Lorsqu'elles sont trop petites ou par trop délabrées, des tentes complètent l'aménagement. La plupart appartiennent à des paysans. Ils les occupent l'hiver et les louent durant la saison d'été pour en retirer un léger bénéfice pendant qu'ils vont chercher de l'ouvrage loin de chez eux. Les campagnards en général forment, à l'époque des travaux des champs, une population nomade qui va d'un endroit à l'autre pour trouver de l'occupation. Les divers fournisseurs des Européens les suivent dans leur villégiature. La capitale devenant déserte pendant les fortes chaleurs, ils ne pourraient plus y réaliser aucun bénéfice. Les principaux villages de Chimran, tous d'un aspect très pauvre, présentent beaucoup d'animation en été, vu l'affluence de monde. Les autres bourgades, d'une apparence plus misérable encore, sont fréquentées en grande partie par des familles persanes. Dans toutes ces localités, il y a des établissements de bains réservés aux indigènes et où les chrétiens ne sont pas admis. Fin du 42e chapitre.